Les comités français et suédois à la mémoire du général Kim Jong-il sont constitués récemment, alors que les comités de souvenirs du général Kim Jong-il, les 14 et 15 courants respectivement, au Parti pour la paix et l'unité de Russie et au Parti communiste, les communistes de Russie. Ils ont décidé d'organiser largement diverses cérémonies politico-culturelles à l'éloge de sa noble vie et de ses exploits immortels à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.